On se retrouve en ce premier mardi du mois de décembre pour le 10e épisode Freestyle. Au programme de ce soir, par rapport à ce qu'on vous avait annoncé, plein de changements, une surprise. Pour ceux qui s'inquiètent, vous aurez des nouvelles d'Alan. Et donc, c'est l'épisode 196. Nous sommes le mardi 2 décembre. Bonsoir et bienvenue. Alors, on va commencer par un tour de table anarchique qui va peut-être changer d'ici la fin de l'émission. D'abord... D'ici la fin du tour de table. D'ici même la fin du tour de table. Autour de notre table physique, d'abord, on a Marie du blog Le Globe Server. Bonsoir. Donc bonsoir Marie. Salut. On a pour l'instant Julie autour de notre table virtuelle à Nice. Salut Julie, qui a tout préparé. Salut. Autour de la table, mais qui ne peut pas parler parce qu'elle se prend pour Daft Punk, on a Irène. Il y a un problème de connexion qu'on ne comprend pas trop. Elle vous dit bonjour depuis la chatroom. Pas autour de la table, mais qui doit faire une rubrique ce soir, on a Robin. Il est là. Donc Robin, que je vais appeler sous peu, ça tombe bien vu qu'il devait faire une rubrique. Il est entré dans la chatroom en disant c'est un scandale. D'accord, très bien. Voilà, et on a Alan qui a l'air de pas être loin, mais qui est quand même pas là. Et je crois que c'est à peu près tout, là, on a cité tout le monde. Et donc voilà, bah, du coup, au sommaire de cette émission ce soir, émission freestyle préparée avec amour par Julie, on a l'interview de Marie. La rubrique de Robin, puisqu'il est là. Une surprise. Tintin. Un retour sur les émissions précédentes. Quelques messages d'auditeurs. Une quote. Des plugs. Et c'est tout. Et c'est tout. Et comme je vais te laisser, en fait, Julie, vu que c'est toi qui as tout préparé, je te laisse la parole et je fous rien, comme d'hab. Je vais peut-être dessiner, qui sait. Comme vous l'aurez constaté, on n'a plus le mini-dossier d'Irène dont on avait parlé la semaine dernière. On vous expliquera en fin d'émission pourquoi. Plus de réponses au quiz du mois non plus. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Mais bon, pour se faire pardonner, on a ajouté une petite surprise et je pense que ça vous plaira. Mais pour commencer, on va attaquer avec l'interview de Marie. Donc Marie, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, je suis heureuse d'être là aussi. Parfait, pas trop stressée? Non, pas du tout, pourquoi? Alors ici à Podcast Science, on te connaît bien sûr pour ton activité de blogueuse sur le Globe Server. On a beaucoup entendu parler de toi ces dernières semaines car tu as obtenu le Golden Blog Award 2014 catégorie Science. Tout à fait, merci. On y reviendra plus tard, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? T'es journaliste, je crois? Alors en fait, j'ai une formation de journaliste. Je ne suis plus exactement journaliste puisque je travaille dans une agence de communication comme rédactrice web. Donc j'ai un peu migré depuis ma sortie de l'école. Mais effectivement, à la base, voilà, j'ai fait une formation de journaliste télé. Donc rien à voir avec les sciences. Voilà. D'accord. Et du coup, la science, c'était quelque chose que tu as toujours aimé? C'était depuis toute petite ou c'est plutôt venu plus tard? Disons que j'ai toujours été extrêmement curieuse de tout ce que j'avais autour de moi. J'étais tout le temps à embêter mes parents, à poser plein de questions sur tout ce qui se passait. Et je passais mon temps dans les bouquins, dans les atlas, je m'amusais. Donc j'avais 8 ans, hein, je faisais des fiches. Voilà, comme quoi ça m'est resté puisque j'étais en prépa après, je faisais beaucoup de fiches. Mais petite, je faisais des fiches, voilà, pour dire « Ah oh bah tiens, ça fonctionne comme ça. Ah oh bah tiens, telle montagne, elle est à tel endroit. » Donc voilà, j'étais un petit peu dingue, ça est un peu resté. Et c'est vrai que j'ai fait un bac S, donc c'est la seule formation scientifique que j'ai. Ensuite, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, je suis partie en prépa littéraire, donc rien à voir. Mais j'ai toujours eu ce goût des sciences et toujours ce petit côté « Tiens, c'est fou cette découverte. Il y a des scientifiques qui ont découvert ça. Il se passe ça dans l'univers. » Voilà, donc j'en parle tout le temps. Et je me suis dit au lieu de saouler tout le monde, peut-être que je vais faire un blog. Comme ça, j'arrêterai d'en parler en permanence. D'accord. Alors justement, on va parler un peu plus en détail de ton blog. Alors moi, d'après ce que j'ai trouvé... Le Globe Server, tu l'as commencé en 2012? Ouais, c'est ça. En fait, ça coïncide avec mon entrée justement en agence de com. Parce que, bon, pour refaire un peu l'historique, du coup, quand je suis sortie de l'école, j'ai été bosser à la télé suisse. Et quand je suis rentrée à Paris, j'étais un peu confrontée violemment au monde du travail des journalistes. Et donc, je n'ai pas trouvé de travail en tant que journaliste. Et donc, j'ai été embauchée en tant que rédactrice web dans une agence de communication. Et là, je me suis dit, c'est pas parce que je fais de la com et que je fais pas exactement mon métier que je ne peux pas vivre ma passion à côté. Donc, j'ai décidé de créer ce blog pour justement parler de ma passion, donc les sciences, et de faire un petit peu quand même mon métier de journaliste. Ah, d'accord, c'est intéressant. Et donc voilà, et je ne bloguais pas du tout avant, donc j'étais complètement novice. D'ailleurs, je pense que les premiers articles du blog ressemblent pas à grand-chose, ça a beaucoup bougé depuis. À la base, je m'étais dit que je ferais des... Voilà, c'était essentiellement en fait pour faire des actus de la semaine. Donc je faisais des résumés finalement des actus scientifiques que je trouvais intéressantes et qui pouvaient éventuellement intéresser d'autres personnes qui n'avaient pas le temps de lire tout ça. Donc c'était... Voilà, il me semble qu'un de mes premiers articles, ça devait être l'actu de la semaine en mode fin du monde 2012. 21 décembre 2012. Très bon sujet. Très bon sujet, c'est ça. Oui, putain, c'est vrai que t'as commencé pour la fin du monde, c'est parfait. C'était parfait. Et d'ailleurs, je crois que dans un des premiers articles, t'as fait un article sur la tectonique des plaques. Oui. Où tu as comme source un dossier de Marco. Exact. De Podcast Science. Mais exactement. J'y ai repensé justement cet après-midi. Je me disais, c'est marrant, la boucle est bouclée. Mais là, parfait. Mais un de mes premiers articles, j'avais fait pas mal de recherches et j'étais tombée assez rapidement sur Podcast Science. Et du coup, j'ai cherché quand t'avais commencé et là, je vois podcastscience.fm et je me suis dit, c'est beau. Parfait. Faudra en parler. Faut que tu viennes faire un dossier chez nous maintenant. Voilà, je vais y travailler. Et du coup, tu blogues sur pas mal de sujets différents. Bon, alors, on en a déjà parlé, tu le sais, mais dans l'équipe, on a beaucoup de femmes du site d'LJJ, dont je tairai le nom. Chou Romanesco, Vashkiri et Interval Curviling, j'adore ce titre. Et ça, c'est la classe de reciter le titre sans se tromper, surtout quand on n'a pas les dates. Intégral, si, c'est planté. Ah oui, c'est intégral, ouais. Intégral Curviling, pardon. Il y a une faute, en fait. C'est ça. Donc, qui est plutôt spécialisé maths, on l'a compris. Et comment est-ce que tu trouves les sujets pour tes articles? Clairement, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Internet à me promener sur tout un tas de sites scientifiques ou d'ailleurs pas spécifiquement scientifiques. Hein. C'est vrai que même le Monde est une très bonne source d'informations. Je passe beaucoup de temps sur le site de Science et Avenir aussi. Et après, dès qu'un sujet m'intéresse, dès qu'un sujet me semble en tout cas intéressant à traiter... Et en tout cas, qui m'inspire, parce que c'est vrai que comme je fais mon blog sur mes heures de loisirs, si ça m'inspire pas et que j'y passe des heures pour écrire trois lignes, c'est pas possible. Donc l'inspiration est importante. Et dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, qui m'inspire, je m'y colle. Après, c'est vrai que il y a pas mal de... Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de traiter des sujets de fond à partir de sujets d'actu. Donc par exemple, dernièrement, j'ai parlé du Big One, le séisme en Californie, parce qu'il y a eu un séisme récemment, et donc je me suis dit c'est le bon moyen justement pour expliquer comment ça fonctionne, la tectonique des plaques, la faille de San Andreas, etc. Donc voilà, souvent c'est des sujets très variés, qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. Il y a beaucoup de thèmes sur mon site. J'aime beaucoup, particulièrement l'espace. Hein. Je pense que l'astronomie... Ouais, il y a un excellent article sur Rosetta, là. Sur Rosetta, voilà. Alors, celui-là, ça a été une galère pas possible parce que je me suis réveillée 2 jours avant en me disant « Rosetta, dans 2 jours, arrive sur sa comète. Il faut absolument que je fasse quelque chose. » Donc, j'ai travaillé comme une dingue pendant 2 jours là-dessus. Ouais, c'était réussi. Mais il y a quand même des impératifs, des dates à ne pas manquer. Donc là, il fallait absolument faire quelque chose sur Rosetta. C'est marrant que tu parles que tu aimes bien faire des liens avec l'actu. Comment tu choisis du coup les actus scientifiques? Parce que je sais que nous, on se limite pas mal au niveau actu. On a essayé, ça n'a pas été toujours très glorieux. Parce que la plupart des actualités très chaudes scientifiques sont des trucs qui retombent aussi vite qu'ils chauffent. On pense l'exemple le plus fameux récemment et qui a plutôt été pas trop mal traité dans la presse et tout, c'est les neutrons plus rapides que la lumière. Et sinon, c'est toutes les théories qui disent « ça y est, Einstein a tort, on a enfin prouvé et compagnie ». Et il y a plein d'actualités où c'est compliqué. Alors peut-être pas en astrophysique, mais comment tu choisis quoi? C'est une excellente question. Encore une fois, je pense que c'est une question d'inspiration. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sujets très intéressants et très importants pour la communauté scientifique que je ne vais pas traiter parce qu'aussi, parfois, je n'ai juste pas les compétences en fait, pour le faire. Là, le sujet que tu viens de traiter, en l'occurrence, je serais incapable. Ou alors, il faudrait que j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce que je n'ai pas. Après, ça dépend vraiment des sujets. Par exemple, l'écho du Big Bang. Donc c'était au mois de mai. Je vais pas refaire l'historique. Mais là, pour le coup, c'était un sujet que je trouvais... C'était traité dans tous les médias avec, à mon avis, un communiqué... Enfin, pas un communiqué de presse, mais un article de l'AFP qui n'était pas forcément très complet. Et il y a plein de gens qui me disaient... alors, ils ont parlé de ça, mais en fait, je comprends rien. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Essayer de vulgariser un peu, d'expliquer ce que c'est. Bon, j'y ai passé 3 semaines, donc c'était un sujet d'actu à la base, mais au final, c'est vrai que quand je l'ai sorti, 3 semaines après, bon, l'actu était un peu dépassée. Ouais, d'accord. Voilà. Ah, je sais pas si ça répond à ta question. Si, je vois que c'est les mêmes problèmes et que t'as pas de solution magique. Ouais. J'ai pas de solution magique. Après, voilà, l'actu de la semaine. Et justement, là, quand tu dis j'ai fouillé, je me suis renseigné, etc., tu t'inspires surtout de Science et Vie, tu disais, et puis de bouquins, de n'importe quoi, tout ce qui tombe sous la main dans l'Internet mondial. Voilà, exactement, tout ce qui me tombe sous la main. Donc, je fais énormément de recherches, j'essaye d'avoir des sources assez variées et assez sûres, quand même, histoire de ne pas raconter n'importe quoi. Après, l'idéal, ça serait de pouvoir interviewer des chercheurs. Ils ne sont pas toujours très accessibles. Et pareil, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'essaye de faire en sorte de piocher les informations importantes, de faire un peu, de tout mettre ensuite à ma sauce, de faire en sorte que ça soit compréhensible, essayer de mettre un peu d'humour. Je ne sais pas si c'est très drôle parfois, parce que j'ai un humour un peu bizarre, mais j'essaie en tout cas que ce soit amusant. Ok, bon, je redonne la parole à Julie au lieu de hacker son interview là. Ah, très bien, très bien. Ouais, c'est vrai que c'est assez léger comme ton. C'est assez agréable sur un site, sur un blog de science. Ouais, c'est quelque chose que j'avais à cœur en fait, de montrer que la science, c'est pas quelque chose de forcément toujours hyper compliqué. Alors, je saurais pas citer ce qu'avait dit Sébastien Carassou dans son interview du dernier Freestyle. Mais il avait dit quelque chose comme quoi tous les scientifiques n'avaient pas un baobab au milieu des jambes ou quelque chose comme ça. Une formulation assez poétique. C'est ça. Un truc classe. Classe, voilà. Mais en gros, c'est ça. C'est de dire que la science, ça peut être accessible à tout le monde et que si on l'explique avec un peu d'humour, il n'y a pas de raison que ça n'intéresse pas tout le monde. Bon, par contre, Sébastien Carassou, on n'en parle plus parce qu'il a fait une présentation, il a utilisé le mot plateforme cet après-midi. Et c'est mal. C'était un aparté. Ouais, c'est un autre sujet sur ton blog qui m'intéressait, c'était... Mais tu as quelques pubs. Oui. Alors, j'ai passé pas mal de temps, et c'est vraiment pas du tout agressif, parce qu'après, je me suis dit, mais il y avait des pubs ou pas? Et je crois qu'il y en a quelques-unes, et c'est intéressant, tu gagnes quelque chose là-dessus? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai installé les pubs au mois de septembre, et donc depuis septembre, j'ai gagné 9,48€. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de ces 9,48€? Eh bien, je ne les ai pas touchés, parce qu'il faut atteindre 70€ pour les toucher. Autant dire que ce n'est pas pour tout de suite. Mais là, avec le Golden Blog Award, peut-être. Je te rappelle qu'avec le Golden Blog Award, on n'a rien vu, hein, nous, de notre côté. Hein. Même au niveau visite, il n'y a quasiment pas eu d'effet. Hein, je confirme. j'ai pas eu de bon dans mes visites. Enfin, peut-être le jour même, en fait, où il y a eu un peu plus de monde. Étrangement, oui, ce qui m'a rapporté un peu plus de visiteurs, en fait, c'est un article que j'ai eu dans Ouest France. Parce que j'ai eu une interview dans Ouest France, parce que je travaillais là-bas, et je l'avoue, j'ai gardé des relations avec mes anciens collègues qui, du coup, ont fait un papier sur ma magnifique prix au Golden Blog. Et donc là, pour le coup, ça m'a apporté pas mal de visites. Mais pour revenir à la pub, c'est vrai que... En fait, en discutant avec des amis, ils m'ont dit « Ah bon, mais attends, mais t'as beaucoup de visites, tu pourrais peut-être mettre de la pub, tu pourrais peut-être gagner un peu de sous vu que t'y passes tout ton temps. » Je me suis dit « Oui, pourquoi pas ?» Donc j'ai changé de plateforme. Je suis passée de wordpress.com à wordpress.org, car oui, c'est différent. Et bien mal m'en a pris parce que mon site n'a pas fonctionné pendant des jours et en fait, j'ai perdu toutes mes images. Donc j'ai dû réintégrer toutes les images de tous mes articles depuis deux ans. Donc tu as gaiement perdu de l'argent. Donc voilà, j'ai pleuré pendant à peu près 15 jours. Tout ça pour mettre de la pub et au final gagner 10€ en 3 mois. Donc voilà, et l'idée de toute façon, voilà, j'ai mis deux blocs de pub dans le site. C'est peut-être aussi pour ça que ça me rapporte pas grand-chose, mais j'ai pas du tout envie de phagocyter mon blog avec des pubs pop-up qui apparaissent toutes les 2 minutes. L'idée, c'est de passer quand même un bon moment dessus et d'apprendre des choses et pas de repartir en courant. Très bien. Et donc, tu as obtenu le Golden Blog Awards, on l'a déjà dit. Alors, la question un peu people, tu t'y attendais? Qu'est-ce que ça fait? Donc, tu nous as déjà répondu. Je voulais te demander si ça avait changé quelque chose pour ton blog ou pour toi. Alors, à cette question, donc, ça n'a pas changé grand-chose pour mon blog. Après, c'est vrai que c'est une reconnaissance quand même de mon travail. Dans le sens où je ne suis pas scientifique à la base. Je parle de science et je déduis que si j'ai gagné ce prix, bah, c'est que j'en parle pas si mal que ça. Après, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que déjà, c'était une énorme surprise de voir que j'étais shortlistée. Parce qu'en plus, je ne me suis pas du tout préoccupée de la campagne de vote par les internautes au mois de septembre. Je n'ai pas communiqué dessus. Donc vraiment, c'était une agréable surprise. Et quand on a dit que c'était le Globe-Server qui gagnait les Golden Blog rubrique science, alors là, c'était la panique la plus totale. J'étais heureuse, mais paniquée. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Et j'étais vraiment, vraiment super contente, quoi. Ouais, j'imagine. J'ai fait une bafouille. J'avais la gorge complètement serrée. C'était... comment dire ? C'était la gloire. Et c'était qui, le partenaire institutionnel ? C'était Thales. Et du coup, tu vas faire des choses avec eux, papoter avec eux, aller visiter des labos ou... Oui, alors c'est prévu. Enfin, visiter des labos... Parce que nous, c'est la seule retombée vraiment qu'on a eue. On a papoté pas mal avec le CNES après. Ouais. Et donc, si ça peut être l'occasion... J'avoue que j'ai pas mal discuté donc, avec la personne qui m'a remis le prix. Donc, c'était le directeur de la communication de chez Thales, qui m'a remis le prix, qui m'a d'ailleurs fait un débrief assez intéressant sur mon blog pour me dire pourquoi ils avaient voté pour moi, pourquoi ils m'avaient choisi comme lauréat. Ce qu'ils avaient beaucoup apprécié dans le blog, c'était le côté design. Ils m'ont dit que ça faisait très professionnel et tout le monde était assez étonné que ça soit pas mon métier, enfin que je ne vive pas de mon blog. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur le design, même si on m'a fait remarquer que mon logo était très années 70, donc je vais y travailler. C'est sûr le blog a un design étonnant. Quand on se plante dessus, on n'est pas sur un blog classique. Il est super beau, je trouve. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait plusieurs entrées. Après, c'est vrai que je bosse aussi dans le domaine digital, donc c'était important pour moi d'avoir une ergonomie sympa. Faut pas dire digital. Digital, c'est les mains. Je travaille dans la communication et donc c'était important pour moi. Voilà, d'avoir une ergonomie simple, que les articles soient faciles d'accès. Johan qui dit que pour 10 euros en 3 mois, tu peux quasiment en vivre presque. Peut-être avec une cabane au fond des bois, mais pas à Paris. Et tu nous dis un petit mot sur le Café des Sciences ? Je crois que tu as rejoint la communauté dans l'année. Tout à fait. Le Café des Sciences est formidable. Je pense que personne ne va me contredire ici. Café des Sciences qui a recruté Marie juste au cas où, qui a gagné le Golden Blog Award pour dire qu'il l'avait gagné une fois de plus. Il le sentait. Il le sentait, c'est ça. Je suis rentrée au Café des Sciences au mois de mai. Donc là, c'était une vraie reconnaissance de mon boulot. Je ne m'attendais pas non plus à être acceptée parce que je me disais que le Café des Sciences, c'est quand même beaucoup des chercheurs, donc, des articles assez pointus, scientifiques et tout ça. Moi, j'arrive un peu... pas en dilettante, mais presque. Je viens avec mes blagues et tout ça sur les bosons. Et voilà, je sais pas si ça va être. Topo, il fait des blagues aussi sur son blog. Hein. D'accord. Il n'y a que lui qui rigole à ses blagues de parasites. Mais... Non, c'est pas vrai. Vous êtes dur ce soir. Hein. Donc, j'étais hyper contente de rentrer dans le Café des Sciences. C'est une communauté super. Il y a plein de trucs d'organiser, plein de projets. Pas mal de communication entre nous, je trouve, aussi sur comment améliorer son blog. Quand on a des questions, que ce soit des questions techniques sur comment récupérer son blog quand on a changé de plateforme et qu'on a des problèmes techniques. Des images. et qu'on a perdu toutes ces images. Bon, là, par contre, j'ai dû toutes les réintégrer. Il n'y avait pas de méthode miracle, mais comme pendant 3 jours, le blog n'a pas fonctionné, c'est vrai que tout de suite, le Café des Sciences est arrivé à la rescousse en me disant « faut faire ci, faut faire ça ». Donc, c'était assez réconfortant de les avoir. Et Café des Sciences et depuis peu, Qui dit Science aussi. Voilà, j'ai mon article sur Rosetta, on l'a adapté pour Qui dit Science. Et là, je suis en train de regarder quels prochains articles je vais pouvoir faire sur Qui dit Science. Ce qui est un nouveau challenge, puisque écrire pour les enfants, c'est pas évident du tout. Et dessin, non ? Strip Science, pas encore ? Dessin, j'ai un niveau d'enfant de 3 ans, donc on va s'abstenir. Ouais. Je comprends. Et sinon, tu aurais quelques recommandations de podcasts, blogs, revues que tu suis, que tu regardes pour nos auditeurs ? Mis à part Podcast Science ? y a un podcast que j'écoute régulièrement, c'est La folle histoire de l'univers de Florence Porcel, que j'aime beaucoup. Le podcast de l'attaque, La tête au carré aussi, que j'écoute régulièrement. Après, sur les revues, c'est vrai que je passe... mon modèle absolu, c'est I fucking love science. Ah ouais. Voilà, je voudrais être le I fucking love science de français. Il va falloir se teindre les cheveux, c'est mon ambition. Il va falloir se teindre les cheveux, par contre. Je mettrai une perruque à ce moment-là. Mais je trouve ça absolument extraordinaire, ce site. D'ailleurs, c'était à la base, c'était un blog, c'est devenu un site. La nana a une émission, elle fait des vidéos. Enfin, c'est... Elle a une boutique de t-shirts pas mal aussi. Elle a une boutique de t-shirts et de bijoux et de mugs et de beaucoup de choses d'ailleurs. De beaucoup trop de choses, ce genre de site où il ne faut pas aller trop souvent. Voilà. Elle doit gagner plus que 10 euros tous les 3 mois. Mais je trouve ça assez génial en fait, voilà, d'avoir une communauté enfin, sur Facebook. Je crois qu'elle a 10 millions, non, 15 millions, je ne sais plus, de followers. Enfin, Après, elle s'adresse aux anglophones. Oui, alors c'est vrai que... Et nous autres Français, non seulement on est moins nombreux, mais en plus, on a tendance à s'adresser beaucoup plus aux Français qu'aux francophones. C'est vrai. Donc... Je vais retenir. Alors, bisous à tous nos auditeurs non français, parce que moi, à ce propos, ça va pas plaire à Alan, hein, mais le Canada est notre deuxième point d'écoute maintenant. C'est passé devant la Suisse. C'est vrai. Wow. Après la France, c'est un truc. Enfin, en tout cas, selon Google Analytics, quoi. Donc, je sais pas si c'est toi, Irène, ou quelque chose comme ça, mais bon, le Canada. Ouais. Quoi. Puisque moi, je suis pas. T'es plus près que nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Juste ça. Mais voilà, enfin, j'ai vu ça sur Google Analytics l'autre jour, ça m'a fait triper que voilà, maintenant notre deuxième point d'écoute. Alors, la France est quand même très loin devant, mais le Canada est deuxième. Ouais, c'est cool, ça, en fait. C'est marrant. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur la newsletter, c'est pareil, je crois. Enfin, il y a beaucoup sur le continent américain, en fait. Bah maintenant, il y a Johan en plus, il va faire de la pub, donc ça va aider aussi. Et je crois qu'il y a la Belgique aussi qui est bien remontée en force. Enfin, ça fait plaisir. C'est peut-être la Suisse qui a chuté. C'est la francophonie. Ah ouais, je sais pas, parce que de toute façon, Google Analytics, les chiffres sont pas... C'est hyper dur, c'est pas des chiffres absolus, c'est plutôt du relatif. Mais bon, c'est rigolo, parce qu'en effet, on voyait qu'on avait des commentaires du monde entier, on en rigolait pendant toute une période. Et en effet, bah, on commence à papoter à pas mal de gens un peu partout, quoi. C'est assez sympa. Au plus grand nombre. C'est ça, exactement. Sinon, dans la chatroom, ils sont en train de discuter le nom « I fucking live science ». C'est vrai que moi, ça me choque un peu, ce nom. Je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'elle mette « fucking » au milieu. En anglais, tu veux dire ? Ouais, en fait, c'est dommage. Oui et non, parce qu'il y a toute une série sur Internet. Tu as toute la série des « fuck yeah ». Où après tu as plein de choses derrière, il y a Fuck Yeah Science ou des choses comme ça, mais qui sont une série de Tumblr, et je pense que ça vient un peu de là, moi ça me choque, en tout cas je suis pas aux États-Unis donc t'es sans doute mieux placé que moi, mais de ce que je vois sur internet d'anglophones, ça me choque pas, c'est comme quand nous on dit ah putain j'adore ça ou quelque chose comme ça, c'est pas un vrai mot quoi, c'est une interjection vrai. Quoi. C'est marrant parce qu'au début, quand je suis aux États-Unis, moi, les gros mots, ça voulait rien dire. Puis maintenant, effectivement, ça a plus d'impact. Et mais bon, enfin bref. Peut-être que la grosse différence aussi, c'est que je pense qu'en France, en effet, si on mettait une insulte comme ça dans le titre, on se ferait financer et parler, personne ne parlerait de nous. Bon, j'ai ressorti le top des pays, donc vous allez un peu halluciner. Donc, c'est depuis 2 ans, j'ai mis 2012 au pif comme date. Donc, on a la France qui est devant. On a le Canada qui est deuxième avec 10 fois moins de personnes qui viennent du Canada. Mais bon, ça fait quand même du monde. La Belgique en troisième et la Suisse est que quatrième. Et après la Suisse, on a le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et les États-Unis. Donc voilà, c'est rigolo. L'aparté. Bon, je fasse de la pub ici, hein, ça va pas du tout. Et parmi les pays qu'on n'a pas, il y a toujours le Groenland et la Corée du Nord où on n'a pas d'auditeurs. Les autres, on a. Attends, la carte est quasiment toute colorée, ouais. On a déjà eu des auditeurs d'un peu partout. Si, enfin, mais après, c'est anecdotique. Genre, du sud du Soudan, on en a eu 3 en 2 ans. Visite. C'est déjà énorme, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Après, tu sais pas, ça peut être du spam ou j'en sais rien, tu vois. Ouais. Quand c'est 3. C'est du bruit, ouais. Mais bon, c'est rigolo. Voilà, j'arrête de couper pour rien. Bah écoute, moi j'ai terminé. Merci beaucoup Marie. Je sais pas les autres si vous avez des questions peut-être. Là comme ça, peut-être on a des questions d'auditeurs, non ? Moi je me demandais Marie, c'est quoi tes projets alors maintenant ? Alors mes projets, ce que j'aimerais déjà faire, c'est faire des vidéos. Parce qu'après tout, en fait à la base j'ai une formation quand même de vidéo, enfin de journaliste télé, donc le montage me manque. Et j'aimerais beaucoup lancer des vidéos sur le Globe Server. J'en ai une en stock, là. Je suis en plein montage depuis 10 jours, parce que j'ai eu la chance de partir avec en voyage de presse invité par Tara Expédition il y a 10 jours, pour le retour justement du bateau Tara à Lorient. Ah, c'est super, ça. Ça, c'était une journée formidable. Mis à part que j'ai eu le mal de mer, c'était une journée formidable. Ah, oulala. Mais du coup, j'ai pris beaucoup, beaucoup de vidéos là-bas et je suis en train de faire donc ma première vidéo et lancer une chaîne YouTube. Voilà, ça c'est... Oh yeah. C'est oh yeah, c'est un super projet. Ça y est, Topo, t'as recruté pour Vidéo Science. Faut vite que je me dépêche de la terminer alors. Et à ce propos... Donc c'est de la vulgarisation de la science, c'est le public, ça s'adressera à qui hein? Ah bah c'est du grand public. Comme le reste du blog, hein, l'idée c'est de faire des vidéos grand public avec pareil un peu d'humour. C'est vrai que j'ai en tête deux blogs vidéo. J'allais te demander justement si tu avais des chaînes YouTube ou des choses comme ça. Alors, c'est la question de Topo. En fait, je retiens surtout Syllabus, qui est rentré il n'y a pas longtemps, qui a fait des sciences, qui est, je crois, qui est canadienne d'ailleurs. Et qui fait des vidéos de vulgarisation, je les trouve très bien faites. Elle se met, alors soit elle fait des expériences, soit elle se met en scène pour expliquer. Alors il y a une vidéo, c'est vrai qui m'a beaucoup plu là dernièrement. C'était 6 ou 7 façons de mourir sur la Lune. Et c'était assez drôle. C'est quoi la plus efficace après avoir tiré son casque ? De toute façon, c'est dans tous les cas, il faut que tu retires ton casque. Mais ensuite, tu peux pas mourir sans retirer ton casque. Si certainement, mais elle a pas abordé ce sujet. C'est que si tu as à manger ou. C'est que si tu enlèves ton casque. Et donc il y a 7 façons de mourir quand tu enlèves ton casque. Donc voilà, Syllabus, c'est vrai que j'ai découvert ça avec le Café des Sciences quand elle a postulé et je trouve ces vidéos formidables et j'aimerais bien faire le même genre de vidéos. Et j'en cite une aussi alors qui vient de sortir en fait, c'est Le Passeur de Sciences du Monde. Oui. Il fait des vidéos maintenant ? Eh bien, il vient de lancer un truc qui s'appelle Crash Toast. Ouais. D'accord. Il a fait une vidéo pour l'instant. Donc c'est sur Interstellar. Sur Interstellar, que le j'ai trouvé. Le copieur. Très bien. Ça va te plaire, Nico. Ouais, c'est vraiment pas mal foutu. En plus, il y a Chewbacca, donc je trouve que voilà, c'est déjà ça donne envie de regarder. Et voilà, c'est pareil, c'est de la vulgarisation, c'est un peu drôle, il y a de la mise en scène. Enfin, ça donne un résultat plutôt sympathique et ça fait partie de mes projets. D'accord, excellent, super. D'accord. Et tu regardes des vidéos un peu en anglais aussi ou juste des vidéos françaises ? Ça dépend si mes neurones sont connectés d'accord. ou pas. Non, comme tu citais que des sources françaises, je voulais savoir si tu avais des sources aussi qui te plaisaient, un peu comme Fucking Love Science. Fucking Love Science, et je passe pas mal de temps, voilà, quand je suis pas trop fatiguée et que mon cerveau fonctionne encore sur les blogs du Guardian, parce qu'il y a quand même une énorme quantité d'informations là-dessus. Je trouve d'ailleurs le concept... Enfin, hyper intéressant et enrichissant. C'est dommage qu'on n'ait pas la même chose en France. Le principe de dire sur un grand média, il y a tout un tas de blogs science où tout le monde peut contribuer. C'est un peu ce qu'essaie de faire le monde dans une moindre mesure. Dans une moindre mesure, mais il y a encore du boulot. Et en l'assumant pas complètement. Quoi. Voilà. C'est ça. Ok, super. Très bien. Bon, bah Marie, tu restes avec nous pour le reste de l'émission ? Ouais, je suis là. Tu peux parler comme tu veux. On rappelle peut-être vite fait, donc le site en question, c'est globeserver.com. C'est theglobeserver.com. Theglobeserver.com. Oui, oui, oui. Il y aura le lien, bien sûr, dans les notes de l'émission. Et voilà, je ne sais pas si tu as un compte Twitter, Google+. Alors, je suis sur Facebook, surtout. D'accord. Facebook, Twitter, je débute pour l'instant. D'accord. Tu te lances ? Je me lance. Comme Robin qui se lance depuis un an. Oh putain. Ah non, je ne relève même pas. Robin, c'est à toi. Ah d'accord, c'était ça l'introduction. Alors c'est rigolo parce que le sujet que je voulais aborder ce soir est un sujet dont il a été question juste pendant l'interview. C'est la formation des continents. La formation des continents, alors j'ai malheureusement je n'ai pas écouté, enfin je me souviens d'une émission de podcast science sur le sujet, mais je sais pas si c'est de celle-là dont il est question, et je sais plus exactement ce qui avait été raconté dessus. Ce que je trouve rigolo, c'est de parler des pardon, il y a des bruits parasites hein, j'espère que vous entendez pas trop. C'est de parler des théories précédentes. Parce qu'il y a eu des théories très amusantes. En fait, la question a été posée assez rapidement parce que on a observé notamment, alors il y avait la question de pourquoi plusieurs continents, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc., pour en arriver là. Et il y a une question notamment qui s'est quand même dégagée très vite, c'est qu'on a trouvé les mêmes fossiles de plantes et d'animaux de part et d'autre de l'Atlantique. Et ça, quand même, il fallait l'expliquer. Comment expliquer qu'on peut avoir les mêmes animaux de part et d'autre d'un océan aussi immense ? Et alors, il y a eu vraiment des théories. Je vais faire vraiment très très court ce soir parce que j'ai une vie un peu remplie en ce moment, donc j'ai fait léger. Mais il y a deux théories que je trouve vraiment très sympathiques. Alors évidemment, a priori, il est impossible de penser que ça bouge. Hein, la théorie qu'on connaît plus ou moins tous sous le nom de tectonique des plaques et dérive des continents, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, c'est pas quelque chose auquel on pense naturellement. Mais il faut expliquer pourquoi les continents sont séparés, pourquoi il y a des montagnes, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires, et pourquoi on trouve les mêmes fossiles des deux côtés. Alors, donc je vais faire juste un petit échantillon de théories que je trouve particulièrement jolies. Par exemple, il y a une théorie de François Placet en 1668 qui dit que avant il y avait un seul continent, et puis comme il y a eu le déluge, et ça a pesé trop lourd, ça a fait trop d'eau, et donc ça a fait s'effondrer une partie du continent, la partie qui reliait l'Europe à l'Amérique. Et donc c'est comme ça que les deux se sont retrouvés séparés. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les mêmes fossiles de part et d'autre, parce qu'avant il y avait de la terre entre les deux. Donc il relie ça, il explique ça via le déluge. Il y a d'autres, alors un peu plus tard, c'est une théorie qu'on retrouvera, la théorie de l'effondrement, où on parle de ponts continentaux qui se sont effondrés pour une raison ou pour une autre. On ne relie pas forcément ça au déluge. En revanche, on peut relier ça à un autre mythe, une autre histoire très jolie, on peut relier ça à l'Atlantide. Vraiment une partie de terre qui a disparu, qui s'est effondrée sous la mer, c'est forcément l'Atlantide. Alors le problème, c'est que c'est pas très très possible, enfin des histoires toutes bêtes de masse, de poids, pourquoi un truc s'enfoncerait dans alors que le reste continuerait à flotter, si c'est flotté, si c'est pas flotté, une histoire de densité. Donc il y a vraiment des problèmes qui se posent, qui sont absolument insolubles quand on essaye d'appliquer cette théorie. Tu te rends compte que tu passes pour un père indigne là, Robin? Ouais, non, mais... Devant tout l'internet mondial, là. Je rassure tout le monde, elle est entre de bonnes mains avec sa mère, ou alors c'est juste sa mère qui est une mère indigne. Vous n'avez pas de peau, parce que ça arrive assez rarement. Bien, donc, du coup, effectivement, c'est quand même assez compliqué de se concentrer. Alors, la théorie des ponts continentaux qui se sont effondrés est quelque chose qui a pas mal fonctionné pendant pas mal de temps. Il y a une autre théorie qui me plaît assez, je trouve assez jolie, qui est que là encore, on part d'un seul continent, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont séparés les uns des autres parce que la Terre enfle. Donc c'est une image que je trouve assez jolie. Voilà, on peut s'imaginer, la Terre était toute petite, recouverte de continents, et puis d'un seul continent, et puis comme elle gonfle, alors on sait pas trop pourquoi elle gonfle, mais comme elle gonfle, les continents finissent par se séparer, un peu comme une croûte qui se découperait en plusieurs morceaux. C'est assez crado, mais voilà, c'est une autre façon d'expliquer ça. Et puis, alors, une autre théorie que je trouve, ne serait-ce que par son titre, absolument sublime, qui est la théorie de la pomme cuite ou de la pomme ridée, qui explique notamment pourquoi il y a des montagnes. Alors là, c'est quelqu'un un jour qui a vu une pomme toute moisie à côté de lui et qui a dit « Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est la même chose avec la Terre ». Alors là, la Terre, au contraire, n'enflerait pas, mais se ratatinerait. En gros, la Terre, à la base, serait extrêmement chaude, une boule très très chaude, et se refroidit progressivement. Et comme elle se refroidit, elle se dessèche, le volume diminue, et donc les continents peuvent effectivement se séparer, ça se craquelle de partout, et les montagnes peuvent apparaître. Lord Kelvin, j'avais déjà tapé de lui à une autre occasion, aimait beaucoup cette théorie, et il a même, grâce à elle, calculé l'âge de la Terre, en regardant de combien il avait fallu qu'elle se refroidisse, combien de temps ça avait dû prendre. Il s'était évidemment planté dans les grandes largeurs. Je vais juste terminer en parlant de la théorie de Wegener, qui est celui qui a fait la dérive des continents, celui qu'on retient généralement comme étant le fondateur de la théorie de la dérive des continents. Alors, on raconte ça souvent comme une success story, quoi. Enfin, quelqu'un qui raconte pas n'importe quoi, qui dit, écoutez, les continents ont la même forme des deux côtés, donc ils étaient collés avant, il y a les mêmes fossiles des deux côtés, donc c'était collé avant, donc c'est que ça bouge, etc. Et en fait, les gens qui s'intéressent à ça savent très bien que c'était très bien, Wegener, c'était très très bien pour son époque. Alors, il s'est fait taper dessus, notamment parce qu'il n'était pas du tout géologue, géophysicien, il était météorologue, ce qui est quand même... un manque de classe quand on s'intéresse à un domaine qui n'est pas le sien, on n'essaye pas de révolutionner les choses, quoi. Donc il s'est fait pas mal taper dessus. Mais surtout, le gros problème qu'il a eu, c'est d'expliquer comment ça pouvait bouger. Parce que les gens disaient, ok, t'es bien gentil, mais en quoi ta théorie serait plus crédible? T'imagines quand même que t'es en train de nous dire qu'il y a des continents entiers qui bougent. Comment on peut expliquer ça? Et lui, il expliquait ça en disant qu'en gros, plus ou moins, c'est des radeaux, quoi. C'est des trucs qui flottent. Alors on savait que la Terre était faite de couches concentriques qui avaient des densités différentes, mais de là, imaginer qu'il y avait un truc carrément liquide, à ce niveau-là, c'était pas franchement crédible. Et puis surtout, pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que ça bouge? Et Wegener, lui, avait Il n'avait pas trouvé mieux que de parler de la Lune et des marées lunaires. Et là, il faut reconnaître quand même que c'était hyper, hyper pas crédible. Et que donc, quand on dit la dérive des continents, Wegener, c'est absolument magnifique, il a trouvé et tout, sa théorie, en fait, sur ce point-là en tout cas, et c'est sur d'autres points de détail aussi, était quand même grandement fausse. C'est-à-dire qu'il avait une bonne idée de base, il avait quelques arguments qui étaient très bons, mais quand on regarde la théorie complète, ça ne fonctionnait absolument pas. Et il a fallu quand même attendre une cinquantaine d'années avant d'avoir vraiment une théorie basée sur ces idées-là, entre autres, mais avec plein d'autres idées et plein d'autres détails bien mieux connus sur les différentes couches qu'on trouve aux différents étages dans la Terre, qui peuvent vraiment expliquer que ça fonctionne et qu'on appelle la tectonique des plaques et pas vraiment la dérive des continents. Voilà, c'était pas vraiment une histoire comme les autres fois, c'était plutôt plein d'histoires, mais parce que c'est... Ouais, très bien. Je trouvais la pomme cuite et les ponts continentaux, le déluge et tout ça particulièrement classe. Oui, c'est très évocateur. Oui. Voilà, j'aime bien l'idée que on va pas trouver une explication, quoi. C'est pas évident. Et en tout cas, ce que je trouvais sympa, c'était que, enfin moi, en tout cas, vu qu'on me l'a appris très jeune, j'avais toujours trouvé que c'était parfaitement naturel finalement de voir ça comme ça. Et quand on voit le temps que ça a pris et les gens qui se sont opposés à cette théorie, etc., on se dit ouais, ils avaient pas forcément que des mauvais arguments. Et faut reconnaître que fallait quand même une certaine dose de foi pour croire en ce genre de choses, quoi, que les continents pouvaient bouger. C'est impressionnant, oui. On oublie effectivement que ça a pris du temps, oui. Très bien, voilà. Merci Robin. Ben, de rien. C'était une belle rubrique fail encore. Ouais. Bon, très bien. Alors, il y avait Damien qui avait commenté en disant est-ce qu'il connaissait les aires glaciaires en même temps ? Les aires glaciaires, alors je ne sais pas exactement ce qu'ils connaissaient. En plus, toutes les théories dont j'ai parlé, c'est à des époques très très variées. Hein. La plus ancienne dont j'ai parlé, c'est 17e. La plus récente, c'est contemporain de Wegener, c'est-à-dire c'est début 20e. Donc, mais c'est... disons qu'il y avait oui, ils connaissaient plusieurs choses qui posaient problème. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a des moments où la théorie des ponts continentaux était quand même très problématique, parce qu'en gros, il aurait fallu que les ponts existent à certains moments et pas à d'autres, etc., ce qui était... C'est possible s'il y a Dieu, quoi. Ouais, voilà, c'est quand même un peu compliqué. C'était... Bon, et puis, qu'est devenu ce continent ? Comment ça se fait qu'il a pu s'enfoncer alors que le reste continue à rester en dehors ? Enfin, ça tenait vraiment pas trop la route, en fait, non plus. Mais enfin, encore une fois, en replaçant dans le contexte, entre choisir entre un truc qui s'enfonce, on sait pas pourquoi, ou des trucs qui bougent, on sait pas comment, c'est pas très clair, quoi, de choisir. Je trouve que pour le coup, la pomme ridée est beaucoup plus intuitive, quoi. C'est ça. Très bien. Okay. Bon, on a la rubrique du squatter après, c'est ça, non ? Bah ouais, alors c'est la... Moi, je l'avais appelée la surprise, mais bon. Ah, t'as pas la rubrique du squatter comme terme ? on laisse découvrir ou t'as à introduire ? Ouais, je fais une petite intro si tu me laisses. Ouais, je sais pas si la chatroom, mais les auditeurs ont remarqué, mais depuis quelques temps, on n'entend plus trop Alan. Alors bon, c'est vrai que c'est un dictateur à la retraite, mais jusque-là, ça n'avait quand même pas empêché de rater un épisode de Billy. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé il y a 15 jours. Ouais. Ouais. Alors qu'elle était chez moi physiquement, en plus. En plus. Bon allez, trêve de suspense, je laisse vous expliquer pourquoi on l'entend plus. Alors là, je me trouve au milieu de nulle part, mais vraiment nulle part, la tête en bas, dans l'hémisphère sud, parce que vous vous souvenez d'Adam. Adam Rix, qui était venu nous faire un petit coucou sur le podcast. Bah, il se trouve qu'il a repeint sa maison. Il m'a envoyé un petit message pour dire « Coucou, tu peux venir dormir chez moi si tu as envie. » Et comme un con, j'ai pris un billet d'avion. Je suis allé droit chez lui, puis là, on est en train de faire du camping. Adam, merci de l'invitation. Oh, je t'en prie. c'est drôle de se voir pour de vrai. Ouais, parce que en fait... L'idée de mon podcast, c'est que j'ai fait des interviews avec des gens que j'ai jamais rencontrés. Mm-hmm. Et finalement, on se trouve, comme tu dis, en plein milieu de nulle part, entre Sydney et suicide. C'est... Entre Sydney et un suicide, ouais, c'est pas mal. C'est pas... Oui, c'est une location géographique. Non, en fait, on se trouve dans le Shoalhaven Gorge. C'est à peu près de 2h30 du sud de Sydney, entre Sydney et Canberra. Et la raison que je voulais te venir... Me faire venir ici, hein? De te venir, de te faire venir ici. Mm-hmm. Pardon. C'est parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent en Australie, qui fait seulement Sydney, Melbourne, Alice Springs, des endroits touristiques. Mm-hmm. Mais le plus loin des endroits touristiques, le plus réel, je pense, l'expérience. Parce que, est-ce qu'il y a des choses plus réelles que ça? On va pas partir dans un débat sur la réalité. Mais j'avoue que c'est plutôt cool. Hein. J'avais jamais vu de lézard géant. Enfin, c'est un genre de varan. Vous appelez ça Goanna? Ouais. G-O-A-2-N. Mm-hmm. Hein? Oui. C'est juste épatant. J'ai encore pas vu les kangourous, mais il paraît que c'est pour demain matin, 4h30, quand on se lève super tôt pour remonter au sommet de la montagne. Ouais. Mais les kangourous... oui, en fait, les kangourous en Australie, ils sont... il y en a trop. Parce qu'ils encrochent sur le terrain des fermiers. Et ils mangent la nourriture des vaches, des animaux, quoi. Mais ici, il y en a, mais ils sont très, très timides. Ouais, ils sont super discrets. Moi, je pensais en rencontrer un tous les matins, éventuellement, boxer un peu. Pour te battre. Ouais, mais non. Mais non, en fait, ici, parce que on est au milieu de nulle part, ils sont pas habitués de voir des êtres humains. Alors, peut-être demain matin, parce qu'ils mangent très tôt le matin, très tard l'après-midi. Et comme il est maintenant 18h le soir, on n'est pas trop loin du site, parce que ça commence à faire nuit bientôt. C'est pas... Bon, à part ça, on n'est pas là pour parler des kangourous. ça doit faire une année qu'on t'a reçu sur Podcast Science. Je ne me rappelle plus quelle était la date, mais ça ne doit pas faire loin de ça. Mmh. Et je me demandais comment ton projet a évolué, ce qui se passe sur The Herd Mentality. Ça change chaque jour. Chaque jour, en fait. En fait, le premier jour que tu es venu, peut-être je vais te demander, expliquer ce qui se passe. Donner un petit peu de contexte. Ouais. Oui, parce que ton français est évidemment beaucoup mieux que... beaucoup meilleur que le mien. Oh, le tien est très bien. Alors, il y a ce pasteur new-yorkais qui s'appelle James Manning, qui est, c'est une espèce de fou furieux. un pasteur anti-homo, enfin, comme on les aime, quoi. Il a lu un article d'un équivalent du Gorafi qui disait que le Starbucks met du sperme d'homosexuel dans le lait des lattés. Et il a fait un délire avec ça. Enfin, il était très sérieux, le mec, hein, mais évidemment, c'est parti en buzz sur le web. Adam, pour se marrer, pour faire une des intros de son podcast, a fait une fausse interview. Donc, il a pris des bouts de la vidéo YouTube de Smanning. Il a juste extrait l'audio. Et puis, il faisait semblant de lui poser des questions. Et puis, le gars, il répondait. Bon, ça démarre très fort, parce qu'il a des expressions. Il parle d'homosexuels sodomites. Et évidemment, Adam s'est amusé à découper tout ça. Et l'interview commence en lui disant « Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ?» Puis le gars répond « Je suis un homosexuel sodomite. » ça démarre très fort. Cette espèce de con, il a repris l'interview d'Adam. Il l'a tweeté pour dire « Écoutez ce que ces gens disent de moi. » Il a même pas pris la peine de nier l'affirmation initiale de l'interview qui disait « Je suis un homosexuel sodomite ». Alors évidemment, c'est hyper drôle. Les médias se sont emballés. Il y a The Independent qui a fait un papier là-dessus, sur non seulement sur le personnage, sur la vidéo qu'Adam a faite pour en parler, et puis sur sur l'espèce de merdier médiatique que ça suppose quand une andouille pareille retweet son truc. Enfin bref, donc il a pas seulement retweeté, il a répondu, il a fait une vidéo de 9 minutes pour répondre, ce qui a donné évidemment du nouveau matériel. Il était pas à Adam. Content. Il était pas content du tout. Hein. T'as Adam Reeks. Mais ce qu'il a fait, et c'est une erreur de son part, il a utilisé mon nom. Et quand je fais des petites vidéos, des clips comme ça, des snippets, quoi, je cherche des phrases ou des mots quand ils disent oui, non, merci de m'avoir accueilli. mais il a dit mon nom. Alors, ça me donne en fait. C'est du matériel, tu peux jouer avec là. Mais c'est plus véritable. Mm-hmm. C'est plus sérieux. Ouais, du coup, ça donne vraiment un vrai dialogue. Et maintenant, je faisais une réponse. Mais en partant, quand on est venu camping, le film était vu 11 000 fois, je pense. Ouais, en fait, c'était 10 000 quand on était encore au sommet de la montagne, avant de commencer à descendre. Ouais. Et puis sur le chemin, avant de perdre le signal, là, c'en était à 11 000. Ouais. C'est dire à quel point c'est devenu viral. Et on a pas... Comment on n'a pas de connexion, là? Là, on n'a aucune idée. Alors, les paris sont ouverts. Oui, ouais. On fait des paris. Ouais. Moi, je dis qu'on est à 60 000. Demain, 60, en remontant. 80, ouais. Moi, je pense, j'espère 80. Je te le souhaite aussi. Si ça se trouve, il y aura un million. Ces trucs, ça peut s'emballer. Mais donc, d'abord, il a dit ses conneries. Ensuite, toi, t'en as fait une interview parodique en prenant des extraits de ce qu'il a dit. Oui. Il a répondu à ça. Mm-hmm. Il a diffusé ta vidéo en intégralité. Ouais. Il t'a fait connaître, en fait, auprès de ses 42 000 fidèles. Il t'a fait une pub monstrueuse. Ah ouais, c'était génial. Et si vous écoutez ça, monsieur prêtre Manning, je vous remercie. Ce que vous avez fait, c'est génial. C'est vrai, il ne pouvait pas faire mieux. Quoi. Et puis donc, tu as fait une deuxième vidéo où tu as utilisé le matériel qu'il a fourni dans sa réponse ouais, oui. Que tu as publié le vendredi. Et puis, le pasteur Manning fait ses vidéos du lundi au vendredi. Et nous, on est descendu quoi, le... On est descendu le lundi matin. Ouais, oui, lundi matin à l'aurore. Du coup, on n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Ça fait 3-4 jours. Ouais, c'est ça. C'était pas un bon timing quand même. C'était vraiment pas le moment de descendre. Bon, bah, c'est excitant. Demain matin, ouais. 4h30, on se casse d'ici. Peut-être on va voir des kangourous. Il y a intérêt, sinon tu rembourses. Moi, je veux voir des kangourous. Mais t'as appris des choses, en fait, dans cette région. Comment refroidir la viande, par exemple. Ah ouais, alors ça, c'est un truc juste hallucinant. C'est épatant. Donc, on est au milieu de nulle part. On n'a pas d'électricité, tout ça. En fait, si, on en a un petit peu. On a des panneaux solaires juste pour recharger les iPads et iPods et autres Kindle, histoire de pouvoir bouquiner et écouter des podcasts toute la journée. Mais on pourrait se servir de cette électricité pour bouffer. Non, bah, c'est pas la peine. En fait, on a du bacon et des œufs frais qui restent au frigo. Le frigo, c'est un sac en toile dans lequel on garde la bouffe. Et puis, il suffit de l'arroser tous les jours. Et par un phénomène d'évaporation, ça extrait la chaleur de la bouffe et du coup, ça la refroidit. C'est un truc, c'est genre Crocodile Dundee version un peu geek. Mais ça fonctionne beaucoup meilleur quand il y a du vent qui passe. Et il a besoin du vent parce que quand il y a l'évaporation, ça retire la chaleur de ce qui est dans le sac. Et comme c'est pas très épais, la toile, c'est pas très épais. Alors ça garde pas beaucoup de l'eau en fait. Alors ça séchait. Ça séchait trop vite en fait. Oui. Il fallait l'arroser toutes les heures, c'était chiant. Bon, du coup. C'est frustrant. Ouais. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un sac du vin. Parce qu'en Australie, je pense que peut-être c'est pareil en France. Non, attention à ce que tu dis. Ouais. Bon, attends, il faut prévenir les Français. Ça va peut-être vous choquer, mais enfin voilà, ici on trouve du vin en berlingot. Et à l'intérieur du berlingot, il y a une espèce de sac isolant en plastique. Et une fois que le vin est bu, ben, on peut récupérer le sac et c'est ce qu'on a fait. On l'a transformé en outre, pleine d'eau de la rivière. On a pendu par un fil. Mm-hmm. Juste ouais. Au-dessus du sac. On a percé avec un... Avec un couteau d'Indiana Jones, ouais, parce que tout est comme ça ici. Et quelques secondes, ça fait une petite goutte qui tombe, c'est ça. Et ça garde le bacon au frais pour le petit déj de demain matin. Alors c'est ça, le frigo. C'est le frigo. Ouais. Et le pain. Ouais, le pain. Alors Adam fait du pain, tous les jours il fait du pain. C'est assez épatant comme truc, donc il fait ça de manière assez classique. Il a sa pâte avec de l'eau, de la farine, de la levure. Je porte une écharpe, un béret, en fait, ouais. En manière classique française. C'est ça, ouais. Il a son béret, il est... On dirait qu'il sort d'un marché parisien. Là, il a son petit panier, ses poireaux qui dépassent, sa baguette. Non, je déconne. Donc, il fait du pain. Il pétrit, il malaxe sa pâte, tout ça. Puis, au bout d'un moment, une fois qu'elle a bien levé, il la jette dans les braises, nonchalamment. Donc, sans aucune espèce de protection. Il n'y a pas de feuille de papier d'alu ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce serait con. Quoi. C'est vrai que les braises, c'est propre. Il n'y a pas de bactéries dedans. Bah ouais, cette température-là, en fait. Exactement. Et puis, il l'oublie, il fait des podcasts, tout ça. Puis quand ça commence à sentir bon le pain, on se rappelle qu'il y avait un truc dans les braises. On le sort, il lui tape dessus gentiment, hein, en disant qu'il était très vilain. Quand il y a de son que ça semble vide dedans, mm-hmm. Il y a un petit écho quand tu le tapes avec une branche, mm-hmm. C'est fait. Mm-hmm. Et on le sort en dans une bonne claque avec... Ouais, c'est ça, il lui tape dessus, mais c'est pour son bien. On sent qu'il fait ça avec amour. Mais c'est bien frais. Et ouais. C'est propre. Ouais, ouais. Non, puis c'est juste bon, quoi. Manger du bon pain qui sort du four. Et après... Au milieu de nulle part. D'après avoir marché pendant, quoi, des heures et des heures pour venir ici. J'avoue, c'est un peu crevant. Trouver du bon pain frais et chaud... Ouais. Plein milieu de nulle part, ça monte l'esprit, quoi. Ouais. Ah, ça, c'était le côté un peu limite de l'expérience, la descente. Hein. Donc moi, j'étais complètement jet-lagué. Je sortais d'une intoxication alimentaire qui m'est arrivée le premier jour. Ça, c'est super. J'ai passé 24 heures à dégueuler. C'est toujours très sympa. Et puis, ouais, j'ai dû porter un sac qui faisait à peu près la moitié de mon poids pendant 3 heures. Parce que t'es pas grand comme mec. Ouais, non, je suis pas énorme. mais bon, ça c'est cool, quoi. Une fois qu'on a survécu à ça, ça devient vraiment des vacances. Puis heureusement, on a tout bouffé. La remontée devrait être moins grave. Et j'ai plus d'intoxication alimentaire, ça va aider aussi. Ouais. Et puis ça valait totalement le coup, alors, pas juste parce qu'on se baigne dans la rivière et tout ça est très cool, mais ça m'a donné l'occasion de voir une nuit étoilée dans le ciel australien, en dehors des villes. T'as reconnu des étoiles ? Non, j'ai rien reconnu du tout, mais enfin même quand je suis dans le bon hémisphère, je reconnais jamais rien. mais j'ai vu la Voie lactée comme je l'avais jamais vue, même pas dans les livres, quoi. Ouais, c'est tellement émouvant, c'est juste extraordinaire. Mais la première soirée, il y avait des nuages. Ouais. Mais hier soir, c'était bien clair, pas de lune. Ouais, c'était juste extraordinaire. Ouais. Juste ce spectacle-là valait de traverser la moitié du globe. On est tellement loin d'une ville, quoi, qu'il mm-hmm. n'y a pas de pollution lumière. Ouais, quoi. C'est ça. Même chez mes parents, ils habitent dans une toute petite ville. Dead City. Les étoiles, on les voit, mais pas si propres que là. Ouais. Parce qu'on voit tout. Ouais, non, mais là, c'est parfait. C'est fou. Et puis quand tu vois énormément d'étoiles, mille fois plus que j'en ai jamais vu. Puis quand tu te concentres sur un petit patch comme ça de ton champ de vision... Tout à coup, t'en vois encore plus, quoi. C'est ça qu'avec tes oeils, ou tes yeux, il y a une partie aveugle. Mm-hmm. Est-ce que ça se dit en français, une partie aveugle? ouais, je sais pas comment on dit ça. C'est the blind spot. Oui. Mais je sais pas comment on dit ça en français, en fait. Mais si tu te concentres sur une partie, tu vois rien, il faut regarder juste à côté, mm-hmm. le noir. Et c'est parce que Il y a deux procès dans les oeils. Il y a des the rods. Ouais, c'est les cônes. And the cones. Ouais, les cônes et les bâtonnets, pardon. Voilà. Ouais. Cones for color. Mm-hmm. Rods for everything strength. Else. Yeah. So, c'est pour ça que y a une qui fonctionne meilleure les nuits, mm-hmm. évidemment, pas la couleur. On voit pas en couleur les nuits. Mais c'est intéressant. Ouais, non, c'est formidable. Et puis, il faut juste qu'on parle encore d'un truc, et puis après, on peut rendre l'antenne. tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu avec une connerie. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, je te laisse assumer tes conneries. Il faut que tu nous en parles. Si vous venez en Australie un jour et vous connaissez un Australien ou une Australienne, on va vous raconter une histoire d'une espèce de ours comme les koalas. Mais le koala, c'est pas vraiment une ours, mais ça s'appelle koala bear en anglais. Mm-hmm. Ce qu'on fait, c'est d'expliquer une espèce de truc comme un koala qui mange pas des feuilles d'arbre, d'eucalyptus, qui mange le sang humain, la peau, le cerveau, n'importe quoi. Il mange la viande, quoi. Et comme ils sont assez lourds, de 80-90 kilos, et ils ont un cul en fait très épais, un gros cul massif. Oui, ils restent dans l'arbre, ils tombent sur la tête des gens qui restent en bas, et ils rendent. Ouais, il neutralise la personne sur laquelle il tombe, et puis il rameute les copains et ouais, il bouffe la personne. Ouais, ouais, c'est voilà, ça. Voilà. Alors, en Suisse, je te racontais tout ce qu'on va faire comme camping, le plan, etc. Mm-hmm. Je t'ai enverré un link. Quoi, un lien. Un lien. Pour le drop bear. C'est ça. Tu l'as cru. Ouais. Alors moi qui me targue d'être un champion de la pensée critique, je me fais jamais avoir, tout ça. Ma seule circonstance atténuante, c'est que c'était 2h30 du matin, j'étais complètement crevé, j'ai cliqué sur le lien, ça m'avait l'air sérieux. Et on a tous les ouais. excuses. Ouais, ouais, mais bon, écoute, c'est pas très glorieux, mais c'est tout ce que j'ai. J'aurais dû faire un peu de fact-checking, mais je me suis dit, ok, le gars connaît, c'est un mec de là-bas. Je me suis fait avoir par l'argument d'autorité, en fait. Et puis, bah, j'ai vraiment cru que ces machins-là existaient. Il y a quand même... Je me suis posé des questions. J'ai dit, mais attends, on devrait les voir au moins de temps en temps entre deux arbres. C'est bizarre qu'on ne les voit pas. Mais voilà, je ne me suis pas mais posé la question plus fait, que ça. C'est, on a fait un jeu de confirmation bias. Ouais, de biais de confirmation. Pardon. Où on a entendu quelque chose qui tombe ouais. dans la distance. On a dit, ah, c'est un drop bear. Mm-hmm. C'est l'ours tombant, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu l'as cru. Bah ouais, non mais attends, parce qu'on est là, on n'est pas juste les deux, il y a ton beau-frère aussi, qui est là, qui est un mec super cool. Et il cool. est bon. il est magnifique. Mais du coup, on papote toute la journée, on parle de choses et d'autres, et puis vous êtes vraiment vicieux, parce que vous avez réussi à glisser des histoires de drop bear dans des anecdotes que vous avez racontées. Tu me parlais d'une émission de télé que tu as regardée ouais. avec un mec qui doit survivre dans toutes les circonstances. Et une fois, il est même venu en Australie. Et puis avec le drop bear, il a fait comme ça. Enfin, le storytelling était juste parfait. Quoi. J'ai totalement acheté le truc. À tel point qu'avec ma tante, juste sous un arbre, avec des bruits bizarres la première nuit, bah, j'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. En disant, putain, mais s'il y a ce con d'ours qui grimpe et qui me tombe dessus avec ses 80 kilos, ça va être l'horreur. T'as quand même été sympa, finalement. Le lendemain, tu m'as avoué que c'était une connerie. Oui, mais quand tu m'as dit, j'ai pas dormi cette nuit, je pensais, oh non, je peux pas le faire encore une nuit. Ça sera trop méchant, quoi. Ouais, c'est sympa. Mais donc, ça, c'est une petite tradition, c'est une coutume locale, c'est un truc que vous faites à tous les gens assez fous en fait, pour venir vous voir. Même les Australiens, on le fait avec les jeunes, quoi. D'accord. Quand on fait du camping, bon, il y a des kangourous, il y a des oiseaux. mais on voit jamais des ours tombants. Mais on raconte l'histoire. Et ça fait peur, c'est comme fairy tale. Un conte de fées. Voilà. Pour des gamins. Mais quand je suis plus âgé, j'ai pas des gamins. C'est pour les étrangers. Bah ouais, parce que forcément. Comme il n'y a pas de réseau, pas d'internet là, t'as pas de moyen de réconcilier. Ouais, de vérifier. Voilà, vérifier. Mmh. Et voilà. Ouais. Donc voilà, sachez donc que les drop bears n'existent pas. Si vous allez en Australie, dites oui oui pour faire plaisir à l'autochtone, mais, mais c'est juste pas vrai. Good. Bah écoute, c'était un plaisir de te revoir. J'espère qu'on survivra au retour. Ouais, il reste une nuit. Ouais, sans drop bear, on va bien dormir. Et les lézards, peut-être. Ils sont féroces. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a une espèce de varan, un énorme lézard. Il n'a pas l'air trop féroce, hein. Il est plutôt cool. Mais, tu dis ça, mais ce qu'il fait, il est venu, il mange des œufs. Mm-hmm. Il mange, mais même les petits trucs, des boîtes de lait UHT. Ouais. Oh, oui, oui. UHT. Mm-hmm. Il mange. Alors, c'est pour ça qu'on le laisse dans les arbres. Qu'on laisse la bouffe dans les arbres, ouais. Ouais. Bon. Good. Bon, bah, tu nous tiendras au courant de la suite de tes aventures. Bien sûr. Venez apprendre l'anglais avec The Herd Mentality Podcast. Herdmentalitypodcast.com. On le fera, c'est promis. À bientôt. Merci. Merci d'avoir accueilli. M'accueilli. Bye. Ciao. Bon. Et donc on avait reçu Adam Rix, c'était le premier épisode freestyle. Le premier freestyle, tout à fait. Mmh. C'est là le où 4, Alan a dit, d'accord pour un freestyle, mais moi je veux des invités. C'était l'épisode 149, je pense que c'est la seule interview de freestyle où il y a une retranscription qui a été faite par David Loureiro, je crois. C'est quand les invités de freestyle sont suffisamment bons pour qu'il y ait une retranscription, c'est ça? Exactement. Je mets pas la pression du tout. Il y en aura une, Marie. C'est ça. Et donc la vidéo dont il parle, qui était à 11 000 vues, est maintenant à 29 000 vues. Voilà. C'est grâce à Podcast Science, je pense qu'on peut le dire. Oui, tout à fait. Ben voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. On passe aux émissions. Oui, non, c'était super. Ouais. Pardon. Ouais. Non, désolé, mais ouais, c'était vachement marrant, c'était super intéressant. Ouais. On repasse aux émissions précédentes. Ouais. Alors, précédemment dans Podcast Science, nous avons parlé maths et musique, cristallographie, Voyager, évolution et transfert horizontaux, vieillissement et mort, interstellar et j'en passe. Donc, on profite de ce freestyle pour faire un petit retour sur ces épisodes. Et on va commencer par l'épisode un petit peu ancien maths et musique, mais pour lequel on a reçu un message assez sympathique. Comme tous les messages qu'on a reçus sur ce dossier. Et c'est un message de Bertrand. Cela fait 30 ans que j'enseigne exactement cette matière. Je participe à la formation des musiciens et profs de musique. Et c'est bien la première fois que j'entends parler de ça sans voir arriver les à peu près et bêtises habituelles. J'aimerais beaucoup en discuter avec vous sur plusieurs points que vous laissez en suspens. Bravo. C'est un beau compliment. Hein. Bah ouais, j'en suis presque gêné. Il y a quand même des approximations. Hein. Il y en a en tout cas dont pour lesquelles je suis au courant. Mais voilà, non, mais c'est assez drôle. Hein, je crois que je vais continuer à. Le seul problème, c'est que je vais continuer à mal préparer mes dossiers. Quoi. À faire des dossiers à l'arrache. Ouais. De toute façon, t'en as jamais fait autrement. Donc y a pas... Même tes bouquins sont à l'arrache. Donc. C'est pas complètement vrai. Attends, vrai. Dans ton dernier bouquin, il y a marqué penser à supprimer ça à un endroit. Donc. Non, mais attends, c'est parce que je t'ai envoyé une vieille version. Non, je rigole. Je vais tester si tu stressais. Et toujours sur un dossier de Robin sur la cristallographie. Fred nous écrit sur le sujet un excellent livre, La symétrie ou les maths au clair de lune de Marcus de Sautois, qui vous apprendra tout sur le monstre avec un smiley ensuite. Alors, je ne sais plus si tu en avais parlé, ça fait partie des livres que tu n'as pas lus, Robin. C'est à propos de celui-là, ouais, que j'ai dit que je parlais avec des parlais gens, avec gens qui les avaient lus. Mmh. Ouais. Et tout en disant, voilà, Marcus du Sautoy, j'ai vu, pour le coup, il y a des documentaires avec, de lui qui traînent sur Internet. Et dans ce bouquin, j'ai lu quelques passages et dans les discussions que j'ai eues avec des gens, j'ai un petit peu une réserve, même si Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui fait un boulot globalement très bien et qui éclaircit beaucoup de choses, etc. Mais disons qu'il a un côté, comme beaucoup, je trouve, un peu dans le mysticisme de balle de les maths, c'est Dieu, c'est le monde, ça explique tout, etc. Et oh là là, c'est dingue, c'est fou, et c'est magique, qui m'emmerde un peu. Voilà, il y a une espèce de petit mysticisme comme ça qui parfois me, au détour d'une phrase, m'énerve. Mais sinon, non, il aborde plein de points, plein de sujets, c'est très clair de ce que j'en sais. Donc, c'est... allez-y, lisez-le. Ça vaut le coup, je pense. Bon, on va essayer. Hein. Voilà, vous me raconterez si ça vaut vraiment le coup. Ouais, c'est ça. Comme dit Julie, ouais, c'est ça, ouais. On enchaîne avec le dossier de Joanne sur Voyager. Donc, il y a Michael qui résume assez bien le sentiment général, je pense. No comment, dossier propre et réalisé sans accroche, bon résumé, même excellent. Voilà, je pense que... C'est clair et net. Mm. Les autres, vous avez quelque chose à ajouter? Bah moi, j'ai trouvé aussi que c'était vraiment un super beau dossier, ouais, super bien fait. Ouais. Mm. Bah Irène, on peut passer maintenant à ton dossier sur la météo, qui était aussi un beau dossier. Alors, c'est Sébastien qui nous dit « Moi qui pensais me mettre au paramoteur d'ici peu, quelle joie d'entendre ce podcast sur la météorologie. Une belle introduction. D'ailleurs, Irène, une fois en vol, tu te bases sur quoi pour repérer les courants et savoir où poser ton aile? T'as un GPS spécifique où tu y vas au doigt mouillé. Merci pour cet épisode. » Ben merci. D'ailleurs, je dois dire, il y a eu quelques questions auxquelles je n'ai pas encore répondu sur le site de podcast Science, il faudrait que je fasse. Et sinon, pour répondre brièvement à la question de Sébastien, je me base sur quoi pour repérer les courants? Déjà, la première, la plus importante, la meilleure façon, c'est de repérer où volent les autres pilotes, en fait. Donc, c'est toujours bénéfique de voler avec d'autres gens parce qu'on voit où c'est qu'ils vont atterrir et où c'est qu'ils se posent et où c'est qu'ils montent. Sinon, on regarde les oiseaux. Les oiseaux nous servent beaucoup. Et puis sinon, il faut y aller au feeling, en fait, et regarder beaucoup la topographie du relief qui est vraiment très, très indicatif de là où le plus probablement on va trouver des thermiques selon, encore une fois, les arêtes sur les montagnes, etc. Où est le soleil, des choses comme ça, en fait. Donc, c'est un peu comme disait Sébastien, c'est plutôt au doigt mouillé parce que le GPS, ça nous aide à savoir si on monte vite ou on descend, etc. Mais ça indique pas où sont les thermiques. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Très bien. Bah, écoute. Ouais. Alors, on va passer maintenant à l'épisode avec Topo et le professeur Sélos, donc qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. Donc, on commence avec Michael, toujours Michael Tournier. Passionnant. Je capote quand on parle de sciences de la vie et de la santé. Nous sommes allés au festival à nos devoirs. Donc, passionnant. Je capote quand on parle de sciences de la vie et de la santé. Nous sommes allés au festival à nos devoirs, cinéma et sciences avec Damien Loiseau. Damien Loiseau, l'invité pour le film Sur Mars. La session, en fait, je n'arrive pas à lire ce message. Ça y est. La session avec le professeur Sélos avait l'air super intéressant sur les champignons, mais malheureusement, on n'a pas pu aller le voir. Vous nous direz si ça s'est bien passé. Alors, malheureusement, je pense qu'aucun d'entre nous n'a pu s'y rendre. Mais si dans la chatroom ou dans les poditeurs, quelqu'un veut nous faire un compte-rendu, on transmettra bien sûr à Michael. Enfin, j'ai dit qu'on n'y était pas allé. Je pense qu'on n'y est pas allé. Non, on n'y est pas allé. Enfin, en tout cas, j'y suis pas allé non plus. Peut-être qu'Alan, en plus de l'Australie, y a été. Oui, c'est ça, dans son temps libre. Et sur le même sujet, il y a Bertrand Hugues qui ajoute « Un des meilleurs podcasts que j'ai entendu ». Ça fait quand même plaisir, non? Ça fait plaisir. Faut que Topo nous ramène des nouveaux invités. Exactement. Et qui prépare les interviews, tout ça. C'est pas mal. Il est bien, ce Topo. Faudrait qu'on le recrute aussi. Quand il râle pas dans la chatroom. Ah, c'est ça qui est marrant, non? Ouais, c'est partie du charme du garçon. Enfin, je suis assez d'accord en tout cas. Moi, j'ai écouté, parce que je n'étais pas là en direct, je l'ai écouté. Et attention, là, c'est Robin qui va dire des compliments sur un truc qui ne parle pas de maths, hein, en plus. Ah ouais, non, mais moi, je suis tout à fait toujours prêt à dire du bien de trucs qui ne parlent pas de maths. Hein. Tu sais, Sauf si c'est de la physique, quand même. Il est voilà, la physique, j'ai beaucoup plus de mal, mais voilà. Non, la génétique, les machins comme ça. Et là, moi, je l'ai écouté là, ces deux derniers jours, j'arrête pas d'en parler à tout le monde tellement j'ai trouvé ça passionnant. Je ne connaissais pas du tout le sujet. Et... Je trouve ça vraiment génial et super clair et vachement intéressant pour faire de l'autopromo. J'aime beaucoup ce qu'on fait. Enfin, j'étais pas là, donc j'ai le droit de le dire. C'est presque bien, mais sauf qu'au lieu d'en faire chez nous de l'autopromo, il faut que tu en fasses à la radio. Rappelle-toi. Voilà. Ouais. On a aussi Soug qui a commenté sur cet épisode. Salut, la SVT n'est vraiment pas ma matière de prédilection, mais là je dois avouer que je pense avoir compris une grande partie de ce qui a été dit durant cette émission. Cependant, une question me met le cerveau en surchauffe concernant les mitochondries. C'est peut-être une pensée naïve que j'ai, mais si l'apparition de celles-ci dans nos cellules résulte d'une colonisation, et je mets bien des guillemets, à un instant T, comment se fait-il que nous n'ayons pas tous la même souche d'ADN mitochondrial ? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, n'hésitez pas à demander des précisions. En tout cas, encore un énorme merci pour tout ce que vous faites. Alors, Topo a fait une superbe réponse à la question de Soug. Donc, vous pouvez les retrouver dans les commentaires des notes d'émission. On ne va pas retranscrire ici. Donc, ça, c'était les commentaires qu'on a reçus sur le site, mais on a aussi eu énormément de réactions sur Twitter, à commencer par Mathieu Seigné. Excellente émission avec le professeur Célos. Non, avec le professeur Célis et Pierre Kerner. Grand bravo à tous. On sent le correcteur orthographique qui a... Ouais, parce qu'en fait, c'est celle lisse en deux mots. Donc, j'avoue qu'il y a, à mon avis, correcteur orthographique. Et non, il a pas apprécié. Alors, on va passer maintenant à ton dossier, Nico. Donc, sur Interstellar, on a eu pas mal de réactions sur Twitter. Donc, on a mis les dossiers en ligne. L'épisode a été publié dimanche. On a mis les dossiers aujourd'hui, c'est ça ? Ouais. Et donc, on a... Draven sur Twitter qui nous a dit très sympa le dernier podcast science consacré à Interstellar. Puis il y a Desdre qui, un poil ironique, a enchaîné: maintenant je vois mieux à quoi ressemble un hypercube, non je déconne. Pourtant Robin il avait tout compris, il avait bien expliqué, non? C'est le seul truc que j'ai compris. Là-dessus j'ai vu qu'il y avait sur YouTube la version film de Flatland, hein, si vous voulez comprendre pourquoi on comprend rien à la quatrième dimension. Ah, qui est le bouquin dont je parlais, ouais. Misogyne, oui, qui, etc. Bah, je reprécise à chaque fois misogyne parce que ça a dégoûté Alan de le lire en entier, alors il faut partir en connaissance de cause. Ouais. D'accord. Or, la misogynie, il est très bien. Okay. Et pour la misogynie, il a un siècle. plus d'un siècle. Plus d'un siècle, oui. C'est 1880, c'est ça ? J'ai plus la date. Bref. Ça doit être grave. 1880. Non, c'est pas si grave que ça, mais c'est vrai que comme c'est une fiction, c'est d'autant plus. On peut le dire. C'est une société très hiérarchisée. Oui, c'est ça. En fait, quand tu résumes le pitch, c'est une société où plus t'as de faces, plus t'es haut dans la hiérarchie. Donc les cercles sont en haut parce qu'ils ont une infinité de faces, en gros. Les plus bas de la hiérarchie des hommes, tu as les triangles non isocèles, équilatéraux, enfin les triangles tout pourris. Et les femmes sont des lignes. Ah d'accord. Donc ça résume un peu la chose. Voilà. Bon, après, parler de misogynie dans un monde où il n'y a que des polygones et des lignes, bon, c'est juste qu'il aurait pu mettre autre chose que des femmes, je ne sais pas. On n'a pas beaucoup de matière, oui, voilà, effectivement. Et je vous passe les détails du genre, du coup, comme elles sont qu'une ligne, on ne les voit pas dans un espace en deux dimensions, donc il faut qu'elles tordent du cul pour qu'on les voit. Enfin, voilà. Oulala, oulala. Donc, c'est un peu misogyne, mais ce qui est intéressant dans ce bouquin... J'aime bien le « un peu ». Non, c'est beaucoup. Non, mais parce qu'il n'y a pas que ça dans l'histoire, mais par contre, ce qui est très intéressant dedans, et c'est pour ça, et en fait, dans le bouquin d'Interstellar dont je vous avais parlé, ils en parlent aussi, c'est que c'est le bouquin que je connais de mieux pour expliquer pourquoi on ne comprend rien à la quatrième dimension quand on vit dans un monde de dimension 4, de dimension 3, parce que là, on a des gens qui vivent dans un monde de dimension 2, et quand on leur parle d'une troisième dimension, c'est du grand n'importe quoi. Ah, d'accord. Voilà, mais j'irai pas lire le livre, de toute façon. Bon, c'est une nouvelle, hein, donc c'est assez court, mais c'est vrai que... Alors, c'est surtout pendant la première partie du bouquin qui est descriptive, qui décrit l'univers. C'est vrai que les passages féminins, tu te dis, non, mais le mec, c'est un taré. Bon, après, le truc a été écrit en 1880, c'était d'autres mœurs, d'autres époques, mais c'est vrai que ça, on pourrait s'en passer très bien. Sans compter que moi, je me suis posé la question à diverses reprises pendant la lecture, parce que c'est pareil, il décrit une société extrêmement hiérarchisée. Tu te demandes si c'est volontaire ou si c'est... Et tu te demandes s'il n'y a pas du second degré, même à certains moments. Et en fait, sur l'aspect très conservateur des personnages. Moi, je te demande. J'étais persuadé que c'était une manière de faire une critique de ça et compagnie, et en fait, j'ai pas l'impression. Je crois que c'est très premier degré, ça. Je me suis posé la question pendant toute la lecture du bouquin de savoir si c'était une critique ou pas. Voilà, donc j'ai pas la réponse. Moi, je me suis posé la question, mais en fait, ça ne sert à rien dans le bouquin, donc je pense que c'est assez premier degré. Le fait est qu'il aurait pu ne pas leur mettre de sexe, ça aurait été très bien, parce que de toute façon, il explique pas trop comment ils se reproduisent. En même temps, il fait un truc de maths et une description de la société de son époque. Ouais, je sais pas dans quelle mesure c'est critique. Donc, enfin, il règle des comptes aussi, apparemment, mais bon. Non, il a peut-être des petits soucis avec les femmes, cet homme-là. Je suis pas sûr, parce que t'as d'autres choses aussi, hein, qui apparaissent dans cet univers. C'est un univers assez frustré, hein, mais comme on en voit souvent dans la SF, hein, où il y a des choses, il y a beaucoup d'interdits, etc. Donc, honnêtement, c'est là où je suis pareil que Robin sur les citations, c'est que c'est un matheux. Il s'est dit, voilà, il y a des formes, et ce qui va être intéressant dans mon monde en 2D, c'est de mettre des êtres qui vivent en une dimension. Et je pense que là où il n'a pas été malin et qu'il n'a pas suffisamment réfléchi, et je ne suis pas certain comme Robin qu'il y ait du volontaire là-dedans, c'est qu'il s'est dit qu'est-ce que ça pourrait être. Et en gros, il avait le choix entre des esclaves ou des femmes, et il a choisi les femmes. Bon, c'est pas fou, ça n'apporte rien à la narration, c'est très agaçant dans la lecture. Mais hélas, je pense que c'est même pas volontaire et qu'il n'y a pas de message politique derrière, quoi. Ce qui est d'autant plus lamentable dans le truc. Quoi. Bah oui, c'est encore pire, effectivement. Enfin, je sais pas. Bref. Alors, on va arrêter là parce qu'il faudrait faire un dossier dessus. Bon, mais je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a des personnages en une dimension en dehors des femmes. Ah bah écoute, ah oui, bien sûr. Mais c'est particulier. Bref. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle, donc le meilleur moyen de se faire un avis là-dessus, c'est de la lire ou de regarder le film sur YouTube qui, pour le coup, est long. Je me demande même s'il n'est pas plus long à lire que le bouquin parce qu'il fait 1h40. Et je sais pas, parce que je ne l'ai pas vu en entier, s'il est aussi misogyne que le bouquin, mais bon, il y a des chances du coup. Et voilà. Ok. Et donc, pour terminer sur Interstellar, il y a Olivier Simard Casanova qui nous a dit, comme d'hab, super émission. Cette fois-ci, c'était les trous noirs et Interstellar. J'étais aux premières loges. C'est beau. Il t'avait posé plein de questions. Ouais. Et j'avais même déformé son nom. Mais je ne vais pas le refaire, c'est mal. C'est bien. On va passer aux messages un peu plus divers. Donc, on y reviendra sûrement au prochain freestyle. Mais on commence avec un message de Miguel Gillin. J'espère ne pas me tromper. Alors il nous dit « Bonjour, abonné au Scientific American depuis l'âge de 17 ans, en version française, et faisant 800 km par semaine, votre blog tombe super bien, découvert autour du numéro 100. Mon CV en résumé, passionné d'entomologie, je commence mes docines pour éviter la botanique. » Alors je ne comprends pas très bien, mais bon. « Puis par le chemin de quelques labos, deviens plutôt médecin néphrologue et maître de stage pour les plus jeunes. » Donc, si j'ai bien compris, il est médecin. Mes encouragements pour la suite de votre blog que j'essaye de transmettre à la plus grande communauté. Des sujets, si je peux me permettre, évolution technologique et évolution en santé. Pascal Pic, j'ai adoré le rire et il est le propre de l'homme. Et sûrement plein d'autres idées. Bon, alors là, je ne comprends pas, il met 5 x 3. Il y a un code que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous avez des suggestions. Je pense que ça vient du captcha qu'il faut mettre pour pouvoir envoyer un message à Podcast Science. Ouais. C'est une explication. Ouais. Je suppose la réponse avec nos 10 doigts. Bonne journée. Et voilà. Merci, Miguel. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne suggestion de mission, effectivement. Et puis, on reviendra. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait Alan pour parler de deux autres sujets. Donc, on a eu un débat avec Geoffrey, enfin, surtout Alan, sur la citation de fin « Que servir la science soit votre joie ». Donc, je pense que ce serait pas mal qu'il soit là pour qu'on en discute. Et puis, on a aussi reçu un message très, très, très, très gentil de David. Et je pense ça fait très plaisir à Alan. Donc, on le gardera pour le prochain freestyle. Et pour clôturer ces messages, on va remercier Aurélie pour le don. Tup, c'est à toi. Merci Aurélie pour le don. T'as pas un petit dessin en stock ou non ? Non, mais en fait, ma tablette n'est même pas chargée. Elle était en train de se charger. Donc, c'est le bordel. J'ai des câbles partout. C'est un enfer. Donc, ça va pas être pour cette fois. C'est Maëlle qui va être déçue. Mais je vais m'y remettre. Ouais, il faut que je m'y remette sérieusement. Là, c'est mal. Mais ouais, non, merci beaucoup. Il va falloir qu'on dépense un peu cet argent. Je rigole parce que je suis en train de lire la chatroom où je disais que la Flatland aurait pu être asexuée et Alan me répond ou homo. Oui. J'aurais bien imaginé qu'on dise que les lignes sont des homosexuels. Ça aurait été mieux, tiens, à notre époque encore. Bref. Donc, merci beaucoup et continuez de nous faire des dons. On va bien les utiliser. De toute façon, je pense qu'on va devoir faire une vague de dépenses en matériel micro au moins pour nos chers amis expatriés et plus si affinités. Mm-hmm. Et puis voilà, on vous tient au courant de toute façon on de vous ça. Tient au courant. C'est toujours la table de mixage qui enregistre. C'est ça qui fait qu'on a normalement un son un peu meilleur et surtout un montage multivoix qui nous permet de couper quand les autres font du bruit. En partie. Voilà. globalement, et d'inviter des gens aussi, parce que sinon je pourrais pas inviter des gens chez nous, chez moi, si s'il y avait pas cette table de mixage. Voilà, Valou. Alors on va enchaîner avec le pitch. Alors je sais pas si vous l'avez vu sur la home rapidement, on avait annoncé qu'on allait recevoir Étienne Klein, donc finalement c'est annulé. Pour des raisons diverses, principalement qu'il ne pourra pas être là. Mais heureusement, on a notre merveilleuse Irène qui nous a préparé un dossier sur le sang, comme ça, du tac au tac, elle était prête. Donc Irène, je te laisse... On ne raconte pas pourquoi elle a préparé un épisode sur le sang. On l'a déjà raconté, je crois. Ah oui, d'accord. Non, mais j'assume, hein, j'assume totalement, c'est vrai. Mais parce que c'est parce qu'on demandait des propositions pour Interstellar qu'elle a dit « D'accord, je fais un truc sur le sang. » Voilà. Bah, c'est bien tombé, tu me diras. Voilà. Oui, exactement, voilà. Alors Irène, de quoi tu vas nous parler ? Alors, eh bien, je vais vous parler du sang. Alors le sang, on le sait, ça fascine, ça effraie, ça coule dans nos veines, ça coule sur le pavé et ça symbolise la vie. Et donc, ce mardi 9 décembre, on démarra une petite série sur l'histoire, parfois incroyable, je vous le promets, de l'histoire du sang en médecine. Donc, on va débuter avec... l'épopée de la transfusion sanguine, et nous verrons pourquoi il ne faisait pas bon d'être un chien au XVIIe siècle. Et on verra aussi une bonne raison pour laquelle les Anglais et les Français ne sont pas toujours dans une relation d'amour. Et puis on parlera aussi des fameuses et horribles saignées en médecine, et enfin de la découverte des groupes sanguins. Voilà, ça sera donc le premier épisode, et j'espère que vous serez nombreux. Et donc on va enfin savoir si les saignées ça marche ou pas alors, c'est ça ? Exactement, exactement. C'est info ou intox, c'est un coup. Oui, info ou intox, ouais. Cool. Très bien. Bah, merci, Irène. De toute façon, si ça ne marche pas, c'est qu'ils ne font pas assez saigner, en fait. C'est écoute, ça ce qu'ils se disaient à l'époque. Mais c'est exactement ça, c'est ça qui est incroyable. Et une époque, on verra, qui n'est pas si vieille, en fait. Mais bon. Ouais. Il y a le bouquin que j'ai commencé il y a peut-être 2 ans et que je n'ai toujours pas fini, de Simon Signe, qui parle des sciences alternatives et compagnie, et qui commence sur la saignée. C'est ultra flippant parce qu'il raconte justement d'un côté très scientifique, en disant bah, on l'a refait saigner encore plus parce que c'est pas suffisant. C'est ahurissant, et bah, je donne un peu un truc qui est incroyable. Je sais que je m'avance un peu pour la semaine prochaine, mais ça a duré des siècles et des siècles cette pratique, alors qu'on sait très bien maintenant que ça ne marche pas. Hein, mais c'est incroyable, incroyable. Enfin bon, on verra tout ça la semaine prochaine. Parfait. Ça donne envie d'en savoir plus. Tout à fait. C'est plein d'anecdotes. Hein. C'est vraiment... Moi, je trouve ça super intéressant. Ouais. Parfait. Et donc, celui qui trouve le lien avec Interstellar gagne quelque chose. C'est facile de se moquer. Hein. Maintenant, le moment tant attendu. Marie. Ah, la côte. Je suis de retour. Tu n'es pas partie ? Je suis ton père. Et elle a bien travaillé, elle a ramené 2 côtes, donc ça c'était la première. C'est ça. Non, j'en avais ramené une, enfin effectivement j'en ai ramené 2, mais en fait je vais en lire qu'une parce que l'autre elle est trop connue. Donc, C'est une citation d'Einstein ? Exactement. Que j'aime beaucoup. C'est vrai ou pas ? Non, c'est une vraie citation d'Einstein. Mais... On a le droit un jour de mettre dans les statuts que les citations d'Einstein sont interdites. Je crois qu'on va les rajouter. C'est bien pour ça. Sauf preuve explicite que c'est bien Einstein qui l'a prononcé. Et encore. Et encore. Et qu'on ne l'a jamais cité dans Podcast Science. Où, Non, bah, faut pas être méchant. Marie, il vient pour la première fois, tout ça. Non, c'est bien pour ça si que je ne vais pas... Si on veut qu'elle nous fasse un dossier, il ne faut pas qu'on l'empêche de citer ses côtes. Donc je vais dire la deuxième côte, je vais pas dire celle d'Einstein. La deuxième côte, en fait, le truc c'est que je me souviens pas de la personne qui l'a dite, mais c'est une côte importante, c'était un de mes profs à l'ESJ qui m'avait dit ça, et je trouve que c'est intéressant. Pour avancer dans la vie, note une idée par jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors c'est comme ça qu'on se retrouve avec 247 brouillons sur son blog, parce que je note une idée par jour, mais finalement, j'y arrive pas toujours au bout, mais... C'est en tout cas, je pense, une citation qui est effectivement fait avancer dans la vie, même si c'est pas forcément une bonne idée, noter des idées, puis revenir plus tard, et puis s'apercevoir qu'en fait, bah, c'était pas si mauvais, c'est pas si mal. Encore faut-il avoir au moins une idée par jour. Tu trouves une idée par jour, faut juste la noter, c'est ça en fait. Faut la noter, et même si elle est mauvaise, c'est bien de la noter. Bon, alors la citation Einstein. Non, je la ferai pas. Non, je la couperai si on l'a déjà entendu. Non, je veux revenir ici. D'accord, très bien. Parfois, on va choisir une date alors après l'émission. Du coup, je profite de la côte parce qu'on avait fait ça au plug la dernière fois pour changer. 196, c'est un nombre endécagonal. Et c'est un nom puissant, vous l'aurez appris dans Podcast Science. Je le fais n'importe quand pour ne pas me faire couper quand je le fais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, ça fait rien. Endécagonal, ça veut dire qu'on peut dessiner des endécagones, j'imagine, c'est-à-dire des polygones à 10 faces, à 11 faces, à 11 côtés, plutôt. Avec Gigi a mis un dessin dans la chatroom qui, du coup, sera dans les notes de l'émission. Et un nombre puissant, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que Gigi m'a expliqué que c'est une somme de puissance ou quoi, un truc bizarre. Mais l'intérêt, c'est juste que c'est puissant, c'est rigolo. Un truc de mathématicien. Ouais, donc, comme d'hab. Et je crois que Topo, qui s'était vengé, a donné aussi une propriété biologique à 196, mais je ne l'ai plus sous les yeux. Je redonne la parole à Julie. Alors, on va passer au quiz du mois. Donc, changement de programme aussi. On aurait dû avoir la réponse au quiz du mois, mais comme on a reçu très peu de participation, et que du coup, ça aurait été un peu triste qu'il n'y ait que ma réponse, parce qu'on aime bien quand même présenter les réponses des auditeurs. Donc, on reporte au prochain freestyle. Donc, pour rappel, je vais détailler un petit peu pour pas que Nico critique. Se foutre de toi, quoi, tu veux dire ? Voilà, c'est ça, se foutre de ma gueule. En hiver, il faut se couvrir pour ne pas attraper froid, choper la crève, attraper un rhume, bref, tomber malade, quoi. Info ou un tox. Donc, dites-nous ce que vous en pensez par Twitter, Facebook, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, il n'y a pas de souci. Est-ce que Johan, depuis son lit, a un avis ? Est-ce que Marie a un avis ? Je dirais éventuellement que oui. Il faut se couvrir pour ne pas attraper froid. Très bien. Je m'avance énormément ce soir. C'est pas grave, on demande juste info ou intox. Donc c'est un peu de notre... Sachant que Julie fait que des infos. Ça tombe bien parce que Alan faisait que des intox. Ouais, mais j'ai du boulot avant de rattraper. Il y a vraiment une théorie scientifique derrière ça ? Sur le fait que Julie fait que des infos, ouais. Marie, il faudra que tu reviennes et que tu écoutes Julie, justement, voilà, pour savoir s'il y a une réponse scientifique. Voilà. Très bien. Donc, réponse, dès qu'on a suffisamment de réponses des gens. Je vais aller répondre, alors. Très bien. J'attends. OK, on passe au plug. Alors, premier plug pour la Grande Galerie de l'Évolution, qui fête ses 20 ans. Et ça, c'est la classe. Et oui. Et donc, il y a plein d'événements qui sont organisés en lien avec... avec cet anniversaire. On vous mettra le lien, en fait, c'est sur le musée d'histoire, le site du musée d'histoire naturelle. Voilà, il y a plein de musées partenaires, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, si vous êtes sur Paris, si vous y passez, c'est vraiment l'occasion de voir des belles choses. On a aussi un petit plug, il y a une poditrice qui nous a envoyé un message. C'est Léo Jo, c'est ça ? Ouais, c'est elle, ouais. Enfin, je crois que c'est une fille. Bonjour, oui. Je suis actuellement étudiante, c'est un indice, je pense que c'est une fille, en graphisme, et dans le cadre d'un projet professionnel, je cherche à recueillir les témoignages anonymes de personnes atteintes de prosopagnosie. Pour rappel, la prosopagnosie, c'est le fait de ne pas reconnaître les visages. Je souhaite, via ces témoignages, créer des visuels pour appréhender la vision qu'on a du monde à travers ce filtre si particulier. J'aimerais surtout m'attarder sur ce qui permet l'identification des gens qui nous sont chers lorsqu'on ne peut se baser sur les mêmes critères que la majorité des gens. Si participer à ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un mail. Merci de votre attention. Surtout qu'on a eu plusieurs commentaires sur ce dossier de gens qui étaient atteints de prosopagnosie. Oui, et en fait... Bah, a priori, quand on cherche prosopagnosie, on tombe très vite sur Podcast Science. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous nous contactez. On vous mettra en lien avec le Out Joe, je ne sais pas. Voilà. Et dernièrement, alors... Coup d'état de David, l'ancien David Xilirien que vous entendez dans le podcast. Qui nous a imposé de faire un plug... Non, c'est pas vrai, c'est très très bien. C'est une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle La Tronche en Biais, donc épisode pilote sur la zététique. Très sympa, assez court, bien fait, enfin très agréable, donc on vous le recommande chaudement. Il y a j'ai bien aimé aussi, ouais. Franchement, je pense que ça a de l'avenir. Ouais, non, c'est top, c'est bien réalisé. Et puis, de toute façon, c'était un coup d'état de David. Donc. Ah bah, on pouvait pas y échapper. Moi, j'ai truc à rajouter. J'ai demandé à la chatroom, j'ai un truc à ajouter. Oui. Parce que 196, excusez-moi, mais vous avez pas dit l'essentiel. C'était trop long. Vas-y, je t'écoute. Allons bon. Il y a une propriété hyper classe. Non, mais je veux dire, pour une fois que c'est une vraie propriété qui est rigolote et qui est simple à expliquer et qui est vraiment marrante. Vous prenez n'importe quel nombre. Par exemple, vous prenez, 39. 39. Vous l'écrivez en inversant l'ordre des chiffres. Vous écrivez donc 93, pardon. Vous additionnez 39 et 93. Alors du coup, c'est malin, je prends ton exemple, du coup je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Et comme je suis vraiment une quiche en calcul, c'est une petite astroie. Ok. Hein ? Non, on ne se moque pas. Alors, ça, fait 132. Ça fait 132. Ouais. On reprend 132, on l'écrit à l'envers, ça fait 231. On additionne les deux et on tombe sur 463, c'est ça ? Je ne me plante pas. Ouais. On réinverse, on fait 364, on additionne. Et on continue comme ça, on continue. En fait, pour tous les nombres jusqu'à 10 000, au bout d'un certain temps, on tombe sur un nombre palindrome, c'est-à-dire qu'il se lit de gauche à droite et de droite à gauche de la même façon. On a la même suite de chiffres quand on le lit de gauche à droite ou de droite à gauche. La seule exception jusqu'à 10 000, c'est 196. Et ça, c'est la classe. On ne sait pas si au bout d'un moment, il va devenir palindromique ou pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne n'a prouvé. Il y a eu des calculs qui ont été faits super loin et pour l'instant, ça ne marche pas. Non, mais qui c'est qui a eu l'idée d'aller chercher ça, franchement ? C'est génial. Eh, n'empêche, c'est pas dingue. Non, mais c'est carrément dingue, franchement. Et on a vérifié jusqu'à quel nombre. En plus, on doit avoir vérifié plusieurs dizaines de milliards. C'est clair. Et non, non, mais à la rigueur, maintenant, avec des ordinateurs, je comprends que une fois que tu as posé l'équation, un ordinateur, maintenant, ça le fait. Mais qui c'est qui a pensé, au début, à aller chercher comme ça, quoi ? C'est quand même fou, hein ? Bah, ouais, non, alors, bon, oui, alors après, il y a dans la population, d'une manière générale, chez les matheux, comme dans toute la population, il y a des gens un peu spéciaux. Enfin, il y a des gens ouais. qui sont un peu obsessionnels, qui griffonnent, tu sais. Bon bah eux, au lieu de griffonner, ils font des petits calculs à la con, c'est tout. Hein. Donc 196 est un nombre résistant. Donc 196 est le plus petit qu'on connaisse qui résiste. Il y en a d'autres, mais qui sont bien plus grands, puisque voilà, avant 10 000, c'est le seul. Marie, un commentaire ? Je me demandais jusqu'où allait l'explication tout à l'heure. Mais où veux-tu en venir ? Ouais, donc ça s'appelle un nombre de Licherel. Parce que c'est le mathématicien, je dis honteusement ce qu'écrit LG, j'étais au courant de l'histoire, mais je n'avais pas les noms. Alors, je ne vais pas dire le nom du mathématicien, c'est trop compliqué, mais sa gonzesse s'appelait Cheryl, et donc il a mis son nom plus ou moins à l'envers, en verlan, quoi, pour nommer la conjecture. Bon, voilà. Gonzesse, ça fait un peu péjoratif aussi, mais... Ah, ça fait péjoratif, pardon, alors excuse-moi. Un peu, quand même. Dis plutôt ligne, ça passe mieux. vraiment pas dans ma bouche, alors je vraiment... Vraiment, je dis gonzesse, comme je dis n'importe quoi. Ton petit segment va bien ? Ah non, vraiment, je pensais pas dire un truc. Non, mais je t'en veux pas, va. Bon, on conclut ? Allez. Du coup, bah, comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Il en est d'autres de courriers, de commentaires, de cadeaux pour Robin, sauf celui qu'on cite le plus souvent. Ou pas, enfin on verra, de like ou pas, de tweet, de retweet, de clin d'œil, de dons, de cadeaux, bref, tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'internet mondial. Allez visiter le Globe Server, donc theglobeserver.com, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et puis, ben, merci encore à toutes et à toutes d'être fidèles au poste et de venir chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour Irène qui va nous parler du sang dans toutes ses formes. Donc si vous avez peur du sang, ben venez quand même. Et ben d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. Servir la science de notre joie. Et là, j'ai réfléchi à ta question... Faut-il se couvrir pour... Attends, c'est quoi déjà ? pour ne pas avoir froid ? Je pense que c'est lié au taux d'alcoolémie. Mais c'est mon avis. Je parle beaucoup d'espace et tout ça, mais de là à rentrer dans les considérations physiques précises, ah, oui, c'est vrai que... Pas non, trop, mais voilà, en fait. Mais l'espace. Mais ça, l'espace, ouais, voilà. Mais ça, c'est un... C'est un drame permanent chez moi, c'est que j'arrive pas à m'y intéresser. J'essaye, hein, les gens ont l'air tellement à fond, je me dis, je rate quelque chose. Hein. Moi, ce que je trouve vraiment, enfin, j'en ai déjà parlé à l'antenne, à Podcast Science, mais moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire dans ce bouquin-là, c'est que je l'ai lu relativement tardivement. Enfin, j'avais déjà commencé à bosser, à parler de ce genre de choses en exposé au palais, au boulot, enfin, dans le cadre du boulot, etc., etc. Et donc, j'avais entendu des gens en parler, j'avais lu des articles de vulgarisation à ce propos, j'avais discuté avec des gens quelqu'un qui faisait de la cosmologie, justement, qui m'avait donné un peu des images, enfin, c'était comme il s'appelait, enfin, un astrophysicien, un cosmologiste, hein, je sais pas comment on appelle ça. Bref, j'avais parlé avec pas mal de gens et qui utilisent des images pour essayer de t'expliquer, et dans les articles de vulgarisation, et dans les machins, et tout le monde utilise des images, des façons différentes de te présenter les choses et tout, et je commençais moi-même à expliquer, à trouver un peu des trucs, des façons d'expliquer, et tu lis ce bouquin-là, et tu réalises que tout vient de là, en fait. C'est-à-dire que toutes les images, toutes les idées intéressantes que tu peux avoir qui te permettent de, etc., etc., elles sont dedans. Donc, c'est quand même assez impressionnant de se dire, pour aborder ce sujet-là, globalement, tous les gens qui en ont parlé dans la vulgarisation, à ma connaissance, en tout cas tout ce que j'ai croisé depuis, ils ont ça en tête. Qu'ils l'aient lu de façon directe ou indirecte, ils ont ça en tête.